Monsieur, vous vous ennuyez? Le temps passe si lentement que vous avez l'impression de faire du surplace? Ne restez plus dans l'expectative. Utilisez le mini-marteau Schopenhauer. Grâce à un simple coup du mini-marteau Schopenhauer sur n'importe quelle partie de votre corps, c'est l'assurance de quitter instantanément votre état d'ennui pour celui de la souffrance. Salle d'attente, guichet Pôle emploi, sécu, la poste, grâce à sa petite taille, vous emportez votre mini-marteau Schopenhauer partout et passez de l'ennui à la souffrance quand vous voulez. Aïe ! Attention, le mini-marteau Schopenhauer est considéré comme une arme de catégorie 4, à consommer avec modération. Ça va pas la tête.